nation, car l'ambiance va s'aggraver. Le Mapouk a perdu son action, ça m'en va. Okulele, bon attend time, ma popo danser. Ambiance, ma popo danser. Brisca.